Conte sicilien par Myriam Tellen. Il s'appelait Gidio, elle se nommait Agathe, et c'était de bon augure qu'ils eussent été voués l'un à l'autre au saint protecteur de leur contrée. Ils étaient donc amis, rien qu'amis, car dites-moi si l'amour peut exister entre un petit berger sans autre fortune que sa bonne humeur et ses 18 ans, et une héritière du même âge à laquelle appartiendra un jour la plus belle ferme du pays. Et Gidio, mon ami, ne regarde pas trop le sourire d'Agatha, sourire aux blanches dents, qui creuse des fossettes dans ses joues ambrées. Sa mère, la riche veuve, jaune et rabougrée comme une racine d'olivier, voudra pour gendre un homme ayant bien au soleil. Tu es berger, berger des chèvres, et quand viendra la belle saison, il te faudra quitter l'étable où tu couches parmi tes bêtes à l'âcre odeur, et t'en aller là-bas, camper sur les pentes torrides du volcan qui te fit orphelin. Et Gidio était un maigre enfantelet, lorsqu'à la terrible éruption de 1908, sa grand-mère, le serrant dans ses bras noueux, l'avait rabis au fléau dont tant des siens, plus jeunes et plus agiles, n'avaient pu éviter les ravages. Mais la brave vieille s'en était allée à l'époque de la cueillette des amandes. Maintenant, rendue au paradis, elle le trouvait plus beau encore que sa patrie terrestre, cette Sicile embaumée, que selon la légende, Dieu le Père, avec des ciseaux d'or, emprunté à un bel archange, avait détaché du firmament, à seule fin que les habitants de celle-ci eussent, en contemplant cette parcelle d'azur tombée sur notre planète, une vision de l'Éden perdu. Le jeune homme, resté seul, s'était donc engagé comme berger au domaine de Plano Felice. L'amitié d'Agatha avait adouci sa peine. En vérité, elle le traitait parfois comme un jeune frère, témoin ce jour où ils furent ensemble à la fête de Catane. Ah, c'est une fête sans pareille que celle offerte chaque année le 5 février par la cité prospère. Sonnerie des cloches, éclatement des feux d'artifice devant la statue miraculeuse, parée comme une icône et promenée sur un brancard qu'une masse de cierges transforme en buisson ardent. Il avait aussi crié à pleine voix « Et vive Santa Agatha !» et agité ce mouchoir de batiste que l'on garde soigneusement pour l'offrir à sa fiancée. Et quand Gidio eut retrouvé Agatha au milieu de ses compagnes, il offrit ce talisman, elle ne le repoussa point et le cacha dans son corsage. Était-ce manège de coquette, et n'oublierait-elle pas ce geste maintenant que le pâtre était loin de ses yeux? À l'orée de la saison brûlante, il était parti, comme le veut l'usage, laissant derrière lui la maison ombreuse et les vignes enlacées à l'olivier et les cultures, où citronniers et orangers se mêlent comme un verger des Hespérides. Il s'en était allé sur les pentes pierreuses, où parmi l'herbe rare pousse le myrte sauvage. Il n'avait d'autre société que celle de ses chèvres diaboliques et de ses brebis grisâtres, d'autres amis que ses chiens aux poils roux, d'autres retraits que celui formé par les ruines d'un temple antique. Lorsqu'il se dressait dans sa sveltesse entre deux fûts de colonnes, Egidio ressemblait à quelque berger de l'Iliade, mais il n'en avait cure, ignorant les hauts faits des antiques. Il savait seulement la populaire légende de son île natale. Avec des ciseaux d'or empruntés à un bel archange, Dieu le Père avait, de ses doigts divins, détaché une parcelle d'azur, afin que cette parcelle, fixée au milieu de la mer, toute bleue aussi, demeurât sur notre planète, pour donner à ses habitants une idée de l'Éden perdu. Afin de pourvoir cette terre de marraine bienfaisante, le Seigneur lui choisit 3 saintes, Agathe, Rosalie et Luce, qui veillaient, pures gardiennes, à chaque pointe de la Trinacria. Celle-ci pouvait donc jouir en paix de sa tranquillité fleurie. Jamais celui qu'on appelle là-bas le mont ne s'était montré si sage. Sa fin de Minotaure semblait apaisée, et le panache, qui terminait son double cône, ternissait à peine l'immuable azur. Avec ses pentes couvertes de neige, il prenait un aspect de patriarche tranquille et bénissant. Pourquoi, ce matin-là, la fumée était-elle devenue noirâtre? Pourquoi des grondements se font-ils entendre? La terre a tremblé, dirait-on. Il fait chaud, si chaud. Les bêtes ont peur, elles bondissent. Elles se serrent les unes contre les autres, dans un amoncellement de toisons hérissés et de cornes menaçantes. Les chiens hurlent à la mort, et les hauteurs voisines descendent des cris d'effroi. Bientôt le sol brûle, il oscille et se fendit. Le volcan s'est réveillé. un flot de lave s'en échappe. C'est le cataclysme prochain. Ah, prévenir Agathe, la sauver, telle qui, dans sa demeure bien close, ignore encore le danger. Egidio bondit. Il faut devancer le fléau. Peut-être en est-il temps encore. La tête projetée en avant, les coudes au corps, il s'élance, bravant le feu, comme jadis Icare. Retrouvera-t-il, parmi les ténèbres qui s'épaississent, le chemin de la ferme? Oui, ses doigts ont tâté la clôture. Il enfonce une porte et crie « Êtes-vous là ?» Et voici que deux êtres affolés se cramponnent à lui comme à un sauveur. Les autres serviteurs sont partis dès la première menace, car ils avaient ailleurs des biens à sauvegarder. Egidio n'a d'autre bien que son amour, et la jeune fille s'est jetée dans ses bras en implorant « Emmène-nous, emmène-nous toutes deux !» Quoi ? La mère s'attarde. Elle voudrait sauver quelques-unes de ses richesses, et ses marapaces s'agrippent à ce qui fut son bien. Sa fille la pousse en avant. « La vie ! Ah, qu'importe le reste ! Vivre d'abord, partons !» Pour Egidio, un seul être compte. Mais peut-il abandonner l'autre, même si elle lui fut hostile ? D'ailleurs, elle se cramponne à lui, tel le noyé à la planche qui surnage. Autour d'eux, les murs se lézardent, les beaux arbres se déracinent, nulle richesse ne subsiste. D'ailleurs, que vaudrait maintenant celle-ci ? Voici que le pauvre pâtre est devenu le moins indigent. Il reste sa jeune force, qu'il met au service de ses compagnes. Trio que le malheur unit. Ils sentent que la moindre défaillance serait mortelle. Courent du même pas, dans l'opacité terrifiante d'une buée qui s'épaissit, heurtant, sans les reconnaître, d'autres damnés qui, comme eux, cherchent à s'échapper de la géhenne. Des étincelles leur brûlent le visage, des cendres les aveuglent. La mer est à bout de souffle. Si elle tombe ici, la horde des fuyards va piétiner son corps, alors, de ses lèvres desséchées, une prière sort, prière éperdue, mêlée aux supplications que l'on perçoit encore, mêlée à l'assourdissant vacarme du tonnerre et au crépitement tragique de la lave qui se rapproche. « Santo Egidio, Santa Agata !» Ceux-là sont trop jeunes pour mourir. L'abandonner ? Egidio en eut peut-être la pensée, mais, épuisée aussi, la jeune fille n'avance plus. « Laisse-nous ici, » dit-elle, « seul tu te sauverais peut-être. » Le dos courbé, la tête repliée jusqu'aux genoux, ils font une courte halte. Maintenant, des éclairs zèbrent la nuit. Egidio, qui connaît chaque accident du terrain, aperçoit une bande de rochers faisant saillie dans la plaine. Il connaît aussi le sentier qui la contourne et mène vers la mer. S'ils atteignent le rivage, ils ont chance d'être sauvés. « Écoutez, dit le Sicilien, n'entendez-vous pas le bruit des flots ? » Ceux-ci, hélas, s'étaient mis à l'unisson de leurs terribles voisins et le grondement des vagues se percevait, lointain encore, mêlé au fracas des explosions. Si précaire que fût la chance, elle mettait une lueur d'espoir dans l'âme des fugitifs. Galvanisés, ils auront pris une marche dont leurs pieds ensanglantés subissent la torture. Qu'importe, il faut vivre, vivre, vivre. Ah, Santo Egidio, ah, Santa Agata, vous qui êtes leur patron, guidez-les. Le sol descend maintenant par une déclivité rapide. Courage, le but se rapproche. Le nuage de cendres se fait moins dense. Un ray de lumière le transperce, et c'est pour les emmurer un signe de salut. La mer menaçante, sur le rivage de laquelle une multitude éperdue clame son angoisse et sa prière. Ils y touchent, et maintenant leur sort est moins précaire, uni à celui de tant de sinistrés qu'on ne peut laisser sans secours. Et, dans sa reconnaissance éperdue, la riche veuve acquit cette certitude. Toute richesse est périssable. Heureux encore ceux qui conservent ces biens que nul autre ne remplace, l'amour et la vaillance. Prenant les mains du jeune pâtre, elle les unit aux mains de sa fille. C'était un conte sicilien par Myriam Tellen.